prendre les choses comme elles sont et de manière respectueuse par rapport aux autres intervenants et en même temps à la cohérence de ce séminaire politique des sciences, éviter de répéter ce qui a sans doute déjà été dit. Et puisque l'auditoire est restreint, je pense qu'il est extrêmement instruit des enjeux, des réformes diverses de l'enseignement supérieur et de la recherche, et de l'état actuel et des perspectives. Donc c'est pour ça que je ne vais pas contextualiser exagérément les problématiques de cette séance, et je renvoie bien évidemment à ce qui est publié des séances des mercredis précédents, à quelques articles que j'ai pu commettre sur des sujets complètement au cœur de cet exposé ou sur des sujets connexes, soit sur le site du SNESUP, soit dans l'Humanité en janvier dernier, soit dans Le Monde en avril 2009, en particulier sur une question essentielle qui est le besoin de création d'emplois statutaires dans l'enseignement supérieur et la recherche, et puis sur tous les enjeux de la loi Liberté et Responsabilité des universités de 2007 et des sciences humaines, avec une contribution que j'avais faite pour la revue européenne d'histoire. Mon point de vue, il n'est pas seulement celui d'un ancien secrétaire général du SNESUP, relativement récent, puisque j'ai cessé à ma demande, parce que je pense qu'il ne faut pas s'éterniser dans ses fonctions d'être secrétaire général en avril dernier. Je pense qu'il est plus clair de dire de quel point de vue on parle. Donc je suis maître de conférence hors classe, je suis mathématicien, j'ai été donc secrétaire général du SNESUP, mais ce qui a été qu'un moment de mon activité de 2005 à 2009. Et je suis le chef de file des élus SNESUP encore, à la fois au CNESER et au CTPU, le CTPU ayant été pour partie un élément important de résistance au passage en force de la ministre l'année dernière lorsqu'elle voulait démanteler le statut des enseignants-chercheurs. Par ailleurs, je suis en poste à Tours et j'illustrerai mon propos en ce qui concerne un certain nombre d'enjeux de masse financière, avec ce que je connais le mieux et ce qui, d'une certaine manière, représentatif, puisque Tours est une université pluridisciplinaire de taille moyenne. Sans être très long, j'essaye de présenter une partie de la problématique. Je pense que les autres intervenants en diront autant que moi. En trois parties, les faits récents et les chiffres, une tentative d'analyse, et d'autres choix possibles. Alors, les faits récents et les chiffres, je crois qu'il faut avoir en tête un certain nombre de chiffres d'ordre de grandeur. Le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche pour 2010, c'est 29,1 milliards d'euros. Ça se répartit comme tous les budgets, fonctionnement, salaire, investissement, tant en autorisation de programme qu'en crédit de paiement. Les crédits de paiement, on va dire que c'est du consistant, du solide, c'est nos salaires et d'autres choses, mais entre autres choses, c'est nos salaires. Les autorisations d'engagement, c'est quelquefois plus flou. En particulier, il y a depuis plusieurs années des annulations de crédit et qui ne sont pas négligeables. Autre chiffre à avoir en tête, la part de la recherche et du supérieur dans le PIB légèrement redressé la tête, mais dans une très faible proportion. On est, je crois, les derniers chiffres que moi j'ai trouvés, 2,32 en 2008. Ça fait maintenant presque déjà plus de 10 ans que l'objectif de 3% est assigné aux pays d'Europe, et la France l'a fait sien, cet objectif. On en est très loin, donc, puisqu'on était à 2,40, on est descendu vers 2,16, on est remonté un tout petit peu. On est 2,02 maintenant. Non, moi, les chiffres que j'ai, c'est 2,32. Jeune du budget. Et l'objectif donc de 3%, il a été encore réaffirmé la semaine dernière lors de la rencontre des ministres européens de l'enseignement supérieur et de la recherche. Mais c'est plus une annonce que des moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif. Si on veut avoir quelques autres chiffres en tête, le plan campus dont on a beaucoup parlé après la loi LRU, avant le grand emprunt, mais avec le plan de relance, il faut voir comment les choses sont imbriquées et en même temps servent par leur imbrication à une communication du gouvernement dans son ensemble, de la ministre en particulier, et quand il le faut, du président de la République, pour absolument tout mêler et annoncer à chaque fois, avec des diagrammes dont les échelles ne sont jamais les mêmes, des augmentations phénoménales. Ça, ils savent très bien faire dans leur communication. Donc le plan campus, c'est sur plusieurs années, c'est 3,5 milliards d'euros. Et c'est essentiellement de l'argent qui est disponible sous forme de PPP. Maintenant, le grand emprunt dont on a parlé aussi, le grand emprunt pour l'enseignement supérieur, en fait aussi pour une toute petite partie de l'éducation, c'est 11 milliards d'euros. Ce n'est pas du consommable, c'est les intérêts de ces sommes d'argent placées qui sont censées alimenter un certain nombre d'interventions, en particulier sur le domaine immobilier, mais pas seulement. En matière de recherche, c'est 8 milliards. Donc le principe du placement, hein, c'est en espérant un rendement de 3,5%, c'est 11 milliards, ça rapporte en gros 300 millions d'euros par an. Il faut juste voir, je ferai une remarque tout à l'heure, ce que c'est que l'inflation par an sur un budget de 29,1 milliards d'euros. Mais c'est un emprunt, il a beau être dit grand, c'est un emprunt, donc il faut le rembourser. Donc à un moment donné, viendra assez vite le prix du remboursement de l'emprunt. Enfin, qu'est-ce que les budgets des universités? Bon, je l'ai dit, je viens de Tours, donc j'ai pris cet exemple. Tours, c'est une université, je l'ai dit, taille moyenne, 22 000 étudiants, en gros 1 000 enseignants-chercheurs, hein, je fais dans les ordres de grandeur, 300 enseignants, 500 personnels biatos, ceux-là, ce sont des fonctionnaires de statutaires. Il y a aussi 400 personnels vacataires. Avant, les responsabilités et compétences élargies, donc budget 2009, puisque la majorité du conseil d'administration a voté les compétences élargies au 1er janvier, c'était un budget de 57 millions d'euros. Avec les compétences élargies, donc en intégrant la masse salariale, ça passe à 206 millions d'euros. Lyon 1, à côté de ça, une université de taille plus importante et essentiellement scientifique, dont les engagements ne sont pas de même nature, le budget, c'est 350 millions d'euros. Autre chiffre à avoir en tête avant d'autres observations, les salaires nets pour les enseignants-chercheurs, salaires nets d'embauche, en gros, j'arrondis aussi, 1 700 euros. Fin de carrière d'un maître de conférence hors classe, c'est 3 550 euros. Et fin de la classe exceptionnelle d'un professeur, c'est 5 000 euros. Maintenant, quelques remarques. Sur un budget, je l'ai dit, à peu près 30 milliards d'euros, la dérive, si on veut maintenir le pouvoir d'achat de ce budget, même si la notion de pouvoir d'achat pour un budget d'État est discutable, hein, avec une inflation de l'ordre de 3%, ben ça fait déjà quasiment 1 milliard. Donc chaque fois qu'on nous dit 1 milliard de plus par an, comme il y a 3% d'inflation, c'est en gros pouvoir d'achat maintenu. Et encore, c'est même pas vrai, parce qu'à l'intérieur, en particulier sur le crédit d'impôt recherche, on en met une sacrée dose. Donc ça, c'est un point très important. Ensuite, j'ai donné des chiffres, je vais continuer d'en donner, parce que je pense qu'on ne peut pas parler argent sans avoir des éléments de comparaison. C'est-à-dire, c'est quoi les ordres de grandeur à côté de chiffres que j'ai avancés? Je m'excuse, je n'ai pas de rétroprojection pour vous les laisser à l'écran, mais je pense qu'ils sont familiers à tous. Un porte-avions nucléaire, c'est 15 milliards d'euros. Un avion Rafale, c'est 140 millions d'euros. Le paquet fiscal 2007, dont on parle quand même encore, c'est 14 milliards d'euros. La réduction de la TVA sur l'hôtellerie, c'est 4 milliards d'euros. Mais à côté de ça aussi, les profits semestriels du groupe pétrolier Total en 2008, c'était 6,2 milliards. En fait, c'était 5,9 au premier semestre et 6,2 à l'autre. Les profits annuels, je crois qu'ils ont été révélés ces jours-ci du groupe Sanofi-Aventis, c'est 8,5, c'est profit, hein, 8,5 milliards d'euros. BNP Paribas, je crois que c'est 4,7 milliards. Globalement, pour les entreprises ou les groupes du CAC 40 pour 2009, les profits sont de 49 milliards d'euros sur la seule année 2009, qui est censée être l'année qui solde la crise. Je ne fais pas de détails. Alors ensuite, un autre élément, les bonus des traders en moyenne sur la place de Paris, c'est 250 000 euros par tête. Vous rapportez ça au salaire que j'évoquais. Alors pour les salaires, on n'a pas à se comparer seulement aux traders, hein, regardons ce qu'il y a ailleurs. J'ai pris comme point de comparaison les salaires dans la branche de la chimie. L'éventail des salaires, c'est pas très loin d'une autre, hein, c'est entre 30 000 et 60 000 en gros pour 95% des salariés de type ingénieur cadre. Il y en a évidemment qui gagnent moins, d'autres plus. Si on regarde par rapport à l'indice au salaire terminal annuel, hein, pour un prof de classe exceptionnelle, j'avais dit 5 000 euros par mois, bah, vous faites la multiplication par 12, ça fait exactement ça. Donc là, on va dire que c'est comparable. Est-ce que les fonctions sont comparables, les enjeux sont comparables? Ça, c'est une autre idée. Maintenant, les revenus annuels d'un médecin libéral, moyen, c'est la moyenne, c'est 81 000 euros. C'est des chiffres très récents, ils sont tombés de l'INSEE, je crois, la semaine dernière. Enfin, pour avoir juste une autre idée en matière de chiffres, un médecin salarié, son salaire moyen, c'est... il en existe quand même, hein, des médecins salariés, dans un certain nombre de structures, et en particulier dans les hôpitaux, c'est 3 200 euros. Un enseignant du premier et du second degré, c'est 2 050 euros. Et le SMIC mensuel de 35 heures, c'est 1 056 euros. Là, c'est tellement petit que j'étais jusqu'à rajouter l'unité, 1 056 euros. Autre élément pour apprécier, parce que quand on parle d'argent, c'est les grandes masses, mais ça va aussi jusqu'aux individus. Hein. On est directement sensible à cet aspect. C'est un indicateur sommaire. Hein. C'est l'indicateur du rapport brut entre le salaire d'embauche d'un maître de conférence et le SMIC. Le rapport entre ces deux salaires, donc ça a décru de 2 à 1,6, c'est à peu près stabilisé 1,6, de 90 à 2010, en 20 ans. Il y a une très légère reprise après les évolutions indiciaires que je mentionnerai tout à l'heure. Donc voilà pour les comparaisons nationales. Pour aller plus vite, je ne passe pas de temps sur les comparaisons internationales qui sont sensibles, en particulier sur la question de la part du PIB des recherches de recherche formation supérieure. Sachant que d'autres pays ne stagnent pas ou ne régressent pas. Je veux bien prendre les chiffres d'Henri qui trouvera une justification dans la prose budgétaire officielle, des pays comme la Chine, l'Inde, la Corée du Sud, Israël et des pays nordiques voient augmenter de manière continue et pour certains être largement au-dessus des 3% leurs dépenses de recherche et d'enseignement supérieur. Maintenant, au-delà des chiffres, on peut tous les retrouver, quelques éléments d'analyse. Ils sont complexes. D'une part, les chiffres même disent bien le bouleversement considérable des enjeux de financement, mais aussi de la nature du travail, de l'organisation du travail et de l'organisation des rémunérations. On peut considérer qu'il y a une tentative de sortie de fait de l'enseignement supérieur et de la recherche du service public historique tel qu'il est sorti de l'après-guerre en France, avec une logique de service public, de statut protecteur et de cohérence et de dimension démocratique. Dimension démocratique dans l'organisation, dans la gestion des institutions, dans la définition des projets de recherche, comme dans l'attention portée aux carrières des personnels. Une attention collective et pas une attention individuelle. On voit bien avec ces chiffres le transfert massif de coûts de la recherche du privé vers le public, avec plusieurs aspects. D'abord, l'affaiblissement en volume des dépenses et aussi du nombre de salariés que les entreprises publiques ou du secteur public ou proches du secteur public ou partiellement public. Vous savez que de ce point de vue-là, il y a eu d'importantes évolutions dans les 20 dernières années et les entreprises privées effectuent. Le secteur recherche-développement des entreprises a singulièrement fondu, alors sous plusieurs coups de boutoir, Le premier est majeur, hein, c'est les restructurations et abandons industriels. Il y a les deux choses, abandons industriels dans un certain nombre de secteurs, restructurations et dans lesquelles les logiques dites d'économie d'échelle ont fait fusionner les centres de recherche-développement. Et le plus souvent, l'emploi a considérablement souffert. C'est vrai dans la chimie, dans l'automobile, dans la pharmacie et dans des tas d'autres domaines. De plus en plus, les fonds publics sont associés par des participations directes ou mises à disposition de ressources matérielles ou de projets scientifiques portés par des établissements publics, des projets de recherche, que ce qu'ils soient fondamentaux ou finalisés, qui intéressent directement et immédiatement le secteur privé. C'est vrai en particulier pour tout ce qui relève du financement de la recherche finalisée et des pôles de compétitivité. Je n'insiste pas, je pense que Henri en parlera, il y a aussi la part considérable prise par l'hypocrite crédit impôt recherche, qui est certes un crédit d'impôt, mais qui n'a strictement rien à voir avec la recherche, puisqu'il est avant tout déclaratif et qu'il y a extrêmement peu de contrôle. De manière plus fondamentale, il me semble, parce que ce n'est pas seulement du budgétaire, il y a une remise en cause profonde des missions et de la conception globale des métiers intellectuels qui sont ceux d'enseignants-chercheurs, de chercheurs, de personnels techniques et administratifs qui travaillent dans l'enseignement supérieur et la recherche. Toutes ces missions, je pense que ce n'est pas seulement un discours syndical, et c'est le point de vue qui est le mien, mais c'est, je crois aussi, ça relève de la pratique de nos collègues. C'est un travail qui s'inscrit dans des dynamiques collectives avec l'attachement, alors évidemment inégal, suivant les histoires personnelles et les histoires et l'émergence des corpus disciplinaires, aux notions d'équipe de recherche, de laboratoire, etc., de département d'enseignement aussi pour un certain nombre de questions. Toutes ces dimensions collectives sont mises à mal. Il y a absolument des solidarisations des individus comme des structures, avec une confusion qui est lourde de sens entre émulation, ce qui peut faire partie de l'une des activités, l'un des enjeux moteurs pour les individus dans leur participation individuelle à un effort plus large de recherche, émulation, compétition, concurrence. On a glissé d'un sens vers le dernier et on fait s'affronter les institutions, on les classe, on les hiérarchise, c'est le classement de Shanghai, et c'est la même chose pour les individus. Et on passe même, du point de vue des individus, à une conception quasi libérale, avec une tarification qui tend à devenir une tarification à l'acte des activités de recherche et d'enseignement chercheur, chose qu'on n'a quasiment pas vu venir. Il faut voir comment ça s'est petit à petit institué. Je veux dire, avec la part individuelle du BQR, hein, bonus qualité recherche, avec l'amplification en montant des primes. Et la liste est très longue. Il y a évidemment les PES, dont on a beaucoup discuté avec le refus d'un certain nombre de collègues de cette logique d'individualisation et de concurrence. Mais à côté des PES qui prennent, en gros, pour faire court, la succession des PEDR, même si leur champ s'élargit au personnel chercheur, chargé de recherche et directeur de recherche, dans l'enseignement supérieur, il y a les primes de charge administrative, il y a les PRP, les primes de responsabilité pédagogique. Vous appréciez le R, hein, ce n'est pas pédagogique, c'est responsabilité pédagogique. Donc ce n'est pas l'engagement des collègues, c'est la façon dont ils participent à une logique managériale. Et puis il y a de plus en plus les tarifications à l'acte d'expertise individuelle ou collective, que ce soit dans le cadre de l'ARS, que ce soit dans les commissions liées à l'attribution, non pas à l'attribution, mais au classement des collègues qui demandent la prime, la PES. Donc c'est une logique qui est extrêmement inquiétante et je pense dont on ne mesure pas les impacts. Cette logique, elle vient en même temps, elle est de plus en plus apparente ces derniers mois, alors que le champ de l'enseignement supérieur et de la recherche, je crois que c'est aussi une donnée que l'on doit avoir en tête, hein, elle est objectivement dans le paysage. La situation spécifique de la France, c'est aussi un mouvement de résistance de longue durée avec des moments forts, à une politique de démembrement du service public d'enseignement supérieur et de recherche, en particulier pour résister au décrochage à la fois lié à la désindustrialisation et aux privatisations que j'évoquais tout à l'heure, hein, dans les années, à la fin des années 90, mais aussi avec des éléments forts qu'ont été les luttes universitaires, qu'elles soient portées par les enseignants-chercheurs, les chercheurs et les personnels, ou plus portées par les étudiants, sur la question du CPE, lutte importante, hein, parce qu'il s'agissait de refuser la précarité des jeunes, refuser l'individualisation et refuser en même temps une logique sur laquelle je n'ai pas le temps de m'étendre, qui est le passage de la reconnaissance des diplômes par l'institution ou par les institutions universitaires de services publics et à la reconnaissance par l'employeur de ce qu'ils appellent les compétences. Donc là, il y a un enjeu considérable qui était aussi l'un des enjeux de la bataille gagnée contre le CPE. Et puis, il y a tout ce que nous avons fait pour nous opposer collectivement au démantèlement des organismes de recherche, pour nous opposer à la diminution du nombre de chercheurs qui avait été envisagée dans les années 2003-2004, pour résister, obtenir des créations d'emplois, le gel des suppressions d'emplois dans les années 2008, 2009 et 2010, ce qui n'est pas rien quand on voit que dans l'enseignement primaire et secondaire, pas seulement dans sur les emplois d'enseignants, hein, mais aussi surtout le personnel technique et administratif, il y a plus de 70 000 emplois qui ont été supprimés. On va aller vers les 100 000 emplois supprimés en 4 ans. Donc le fait de maintenir le niveau d'emploi public statutaire, ça n'est pas rien. Je pense que c'est une donnée que l'on ne doit pas gommer. Même chose, je l'évoquais tout à l'heure, le maintien du statut national, c'est une chose importante, comme les revalorisations des débuts de carrière des maîtres de conférences et l'élargissement assez net des possibilités de promotion. Il me semble, et pour lancer quelques pistes sur les perspectives, maintenant, qu'il s'agit, dans le débat qu'on doit avoir, de ne pas découpler l'aspect recherche public enseignement supérieur de l'aspect recherche effectuée au sein des entreprises. On assiste en France à une dégradation permanente de la situation de l'investissement scientifique des entreprises et ça a des enjeux considérables. Ça a des enjeux évidemment en matière de constitution de centres de recherche-développement, mais ça a des enjeux considérables aussi sur tous les aspects de la vie intellectuelle. On n'a qu'à voir la difficulté, je crois, de la plupart des masters recherche dans toutes les disciplines. Et ce n'est pas seulement en mathématiques, ce n'est pas seulement en histoire ou en philosophie. La plupart des formations de recherche sont affaiblies parce qu'il n'y a pas un effort poussé par la nation de valoriser l'engagement scientifique. Donc je crois que là, il y a un travail qui est à la fois politique et pédagogique qui nous incombe et en même temps un travail d'absolue résistance pour défendre la dimension collective et collégiale de l'enseignement supérieur et de la recherche. De ce point de vue, il faut noter le caractère absolument solidaire des désengagements financiers de l'État, votés malheureusement régulièrement par le Parlement, et l'émergence et la consolidation d'une logique managériale, on va dire, de très basse qualité, dont témoigne par exemple la version préliminaire, intermédiaire du rapport Aguillon. C'est un tissu de bêtises, de contre-vérité d'une doxa libérale absolument sans aucune originalité qui se prétend en capacité de transformer en profondeur les logiques et la structuration de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je pense que notre résistance collective sur ce terrain idéologique, elle est absolument insuffisante. Mais il va de soi que les batailles pour l'organisation d'une résistance plus cohérente avec les autres catégories de salariés est aussi essentielle. J'en reste là.